On change pas de contexte, je marche avec du fâchant complet. Tout niquer c'est le concept, dans ma ville les califs seront en concert. Le somme dans les crânes et c'est le fan de ce concert. Y'en a marre des petites poignées, c'est sérieusement qu'il faut concert. Ça c'est mes scarlacs, ça concert. Un blanc moi c'est pas une grosse perte. Grosse la mettre, grosse perte, c'est trop speed, y'a cette envie de changer d'atmosphère. De foutre de la merde, allume ton joint de PR. Mon rap à gros doigt sur lequel peut s'asseoir le ministère. C'est pour mes gars mystiques qui agissent en mystère. Voilà pour plaire ou si c'est possible à refaire. Malgré les coups tordus, ceux qui ont la langue bien pendue. Notre état d'esprit, nos principes, s'y sont pas vendus. Mais qu'est-ce que t'as cru, on veut bouffer la vie, tout cru, on a du cran. Et les croix gros de mon rap de rue, encore un produit de mauvais aise. Pénètre sur ce beat comme entre deux cuisses. Parce que chez nous la haine c'est fréquent comme les nouvelles mauvaises. Tu veux choisir entre chétan et chétan, fais-toi plaisir. Ne parle pas d'avenir, je veux baiser les jours qui viennent avant de partir. On plonge dans la conscience et la solence. À part le chemin, on n'a rien de consolant. Tu baiseras plus de chiennes, la main au volant. Comment ça michetonne, c'est affolant. Toujours entre la côte et l'étouffée. Le heureux de la réussite, y'en a plein qui l'ont loupé. Égaré parce qu'on franchit quand c'est barré. Je baisse de tribunal de pouvoir pour les frères en maison d'art. Toujours la même dégaine, à la recherche de mes dégaines. Les jeunes veulent marcher avec tes gueules. Tu crois qu'on t'a hack, ça te croque comme un grec, comme un gros, ça veut graisse, ça te la met de plein gré. Toujours la même dégaine, à la recherche de mes dégaines. Les jeunes veulent marcher avec tes gueules. Tu crois qu'on t'a hack, ça te croque comme un grec, comme un gros, ça veut graisse, ça te la met de plein gré. Et si c'est le même délire, entre le chétan de gauche, l'ange de droite. Si tu veux Hadja, on s'arrange, ça dérange l'extrême droite. On vit entre les grammes qui crament. Les fleurs qui fanent, les types qui crânent, les autres qui crânent à cause de la cam, c'est crade. Pendant que les keufs volent des preuves dans nos caves. Les frères galèrent grave, ils déroulent dans des épaves en mode cadavre. Toujours le même contexte, ça se ressent dans nos textes. Ça va pas dans nos têtes, rejetés parce qu'on est métèques. Des tucas au mauvais esprit, demande à Aito. Un jour c'est sûr qu'ils paieront le prix, pour l'instant je crie ma race dans le micro. Les amis j'ai fait le tri, demande aux négros dans les comicos. Toujours les mêmes têtes criées qu'on connaît trop. Pendant que les petits veulent vendre d'état, faire la vendetta, se faire d'état. Sur paille, la vie se prend de voler comme Paoletta. Ils sait que leur âme les frères trompent leurs fiancés à cause d'un créancier. Soit le pénis s'enflé en pénitencier. Ici la douceur, c'est que dans les sondes avec Bennett. Note un index, tu veux notre bénéf, on knique net. Machiavélique comme Nick Note. Attitude désinvolte, chez nous c'est électrique. Au récolte, tu descends 20 volts en France, toujours la même merde. Pour les gens pas années, c'est monsieur X. Moi j'ai 23 buts, c'est pas des années. Toujours la même dégaine, à la recherche de mes dégaines. Les jeunes veulent marcher avec tes gueules. Tu crois qu'on t'a hack, ça te croque comme un grec, comme un gros, ça veut graisse, ça te la met de plein gré. Toujours la même dégaine, à la recherche de mes dégaines. Les jeunes veulent marcher avec tes gueules. Tu crois qu'on t'a hack, ça te croque comme un grec, comme un gros, ça veut graisse, ça te la met de plein gré.